Radiomatic. Pour ouvrir la transmission 035 d'Audiomatic, la formation Diamat nous offrait cette belle pièce progressive « I can love you only if you don't love me ». Elle paraît sur le premier et seul album de Diamat sorti en 2013 et intitulé « Being is the sum of appearing ». Chaque mot qui est prononcé à Audiomatic est une note de moins dans vos oreilles. Chaque seconde est précieuse et nous, les électronistes, sommes désolés à chaque fois que nous ouvrons la bouche. Par contre, nous nous devons de vous préciser que la musique qui sera entendue dans les prochaines minutes sera de nature exclusivement électronique, bien que nous nous permettions quand même toutes les déclinaisons possibles. Nous nous devons également de vous mentionner que pour réentendre les anciennes émissions, vous pouvez consulter notre profil sur Facebook à facebook.com/audiomatic-cfou. Enfin, sachez que l'émission est retransmise sur les ondes de C'est fou les dimanches à 14h et les lundis à 13h. Arrêtons ici le supplice en vous confiant que la musique reprend à l'instant possession de l'espace grâce à la formation belge Poésie Noire. Was the time I usually tied to- I came here to break you for the calloused bitch you are. Came to suck your insides out and sparkle like a star. PC, switched on my Sony and recorded this. Who are you? Who are you? What are you talking about? Who are you? I'm me. I am me too. That doesn't mean anything. Well, what do you want me to say? Who are you? What are you trying to do to me? Find out who you are. You're a sadist. I'm truth. Is he sick? À Audiomatic, c'était Josh Davis, ou si vous préférez DJ Shadow, et la pièce Circular Logic Front to Back de son album The Less You Know, The Better, lancé en 2011. Tout juste avant, vous avez peut-être reconnu la chanson Heart of Glass, bien sûr popularisée par le groupe Blondie en 1978, ici reprise par le duo Product Zero One. On retrouve cette version sur leur album Bullet Ride. Pour ceux que ça intéresse, sachez que Rochelle Vincente, oui, la chanteuse de Product Zero One, œuvre également sous le pseudonyme Von K. Et en début de bloc, nous avions droit à une autre reprise. Il s'agissait de la chanson Uncertain Smile, originalement interprétée par le groupe britannique The, mené par Matt Johnson sur leur premier album Soul Mining, paru en 1983. La reprise que l'on entendait était l'œuvre de la formation belge Poésie Noire, formation qui a connu ses heures de gloire dans la deuxième moitié des années 80. Cette version est disponible sur leur album de 2010, Sense of Purpose, qui marque en fait leur retour puisqu'ils ont connu un long hiatus de 1991 à 2010. À Audiomatic, laissons maintenant la place au groupe Signal Out 42, de qui nous écoutons la pièce A Kind of Joy. We'll be right back. Je me tue de fantasy. C'est fou, 89.1. Avant cette pause publicitaire, la séquence musicale se terminait sur une composition de Sombre Printemps, l'un des projets de l'artiste multidisciplinaire Philippe Fichaud, dont l'œuvre musicale s'étale depuis 1977. La pièce Convulse que nous écoutions a été composée pour l'album Ambient and Film Music Volume 1, sorti en 1991. Philippe Fichaud, qu'on connaît mieux grâce à son projet phare Difforme, n'a composé que deux albums avec Sombre Printemps, le second ayant vu le jour en 2011 et nommé tout simplement Ambient and Film Music Volume 2. Auparavant, c'était le duo français Peine Perdue de qui nous écoutions la pièce Disparition Fantôme tirée de son tout nouvel album intitulé Disparition. Notons que dans le monde physique, cet excellent album n'est disponible qu'en format vinyle. Et avant Peine Perdue, c'était Signal Out 42 qui nous offrait la pièce A Kind of Joy, écrite en hommage à la formation Joy Division. Chaque pièce de l'album Inspiration est inspirée, c'est le cas de le dire, par une formation ou un artiste ayant marqué la musique New Wave électronique ou industrielle dans les années 80. Outre Joy Division, on trouve parmi les inspirations de Signal Out 42 pour cet album des noms comme Fat Gadget, Jean-Michel Jarre, DAF ou encore Cabaret Voltaire. En 1994, la documentariste Miriam Ryle a produit un documentaire sur l'Irak intitulé « Voices from Iraq ». Cinq ans plus tard, soit en avril 1999, elle est retournée en Irak en compagnie du cinéaste Grant Wakefield avec l'intention de mettre à jour son documentaire. Ils ont tourné des images de la vie à Bagdad et dans les villes environnantes et ont recueilli plusieurs entretiens, dont un avec le coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour l'Irak, Hans von Sponeck. À leur retour, ils ont offert leurs images inédites à la BBC et à Channel 4 en Angleterre, qui ont toutes deux refusé leurs images. Sur ce refus, Grant Wakefield a cherché une autre façon de partager avec le public le matériel recueilli et a décidé de faire un CD audio, soit la compilation « The Fire This Time ». Le documentaire raconte l'histoire de l'Irak et son rôle désigné dans la géopolitique de l'Occident de l'époque coloniale du début du 20e siècle jusqu'à la période de l'embargo à la fin des années 90. L'histoire est racontée par Grant Wakefield lui-même et complétée par un collage d'échantillons de séquences sonores, d'entrevues, d'extraits de bulletins de nouvelles, de déclarations officielles du gouvernement et de l'armée. La musique utilisée sur cet album a été fournie par divers artistes électroniques et Grant Wakefield a mixé son récit sur elle. Alors, voici à Audiomatic un extrait de cet album, The Fire This Time, avec la musique d'Aphex Twin. We'll bomb them till they're not there anymore. Munitions factories are working overtime. The United Nations gave the Allies the go-ahead to wage war. It is now powerless to stop it. We have the entire United Nations. Yes. Officials fear that public support for the war may not be sufficient. Now we are through on the inside of the state. There won't be any restrictions. Destroying everything within a 500-yard radius. We are not going to recoil the bad measures. The area is count, loaded with thousand-pound cluster bombs. I think we need to get away from the fire cabin. Iranian radio reported shockwaves from across the Iraqi border caused by Allied bombers. There was no fear of retaliation. There's a lot of stuff going in there, and it looks pretty messy on the ground. You can see the missile piercing the roof and exploding against the back wall. But there is at least 40, 50 attacks in civil area, with heavy bombs also, and with more bombs they drop in thousands. As soon as the planes land, 4,000-pound bombs are loaded by the ground crew. That would not want to be an Iraqi troop up there. I think my biggest danger up there today was running into another American aircraft. We'd be planning warfare on a huge scale. More than 5,500 risk bombs. This is very early days. anyone would be worried if things going this good to match up. A convoy of lorries carrying flowers has been attacked by what looked like possible. Living down Vietnam with a vengeance. The AWACS went first at the airborne control center. Then came the strike force behind the mother of the airborne tank. 1,300 Sojis yesterday. They're not trying to fight us right now. No, they're trying to hide from us. Loading up the cluster bombs that explode above the ground, killing Iraqi troops in trench systems. Air attacks aid and tankers on the highway. Far above, these vehicles may look like offenders causing terrorist gun design. This manufactured video shows that a pilot intrudes individual flight. There's going to be massive air attacks on Emirates in weeks ahead. It is going to be unrelenting. Apache gunships designed to destroy tank columns were hunting down individuals. With regard to Saddam Hussein saying that he has met the best that the coalition has to offer, I would only say the best is yet to come. Increasing pressure from the United Nations Security Council. What we've seen so far is pretty phenomenal. Can we really go up a notch? Oh, yes, indeed. Our strategy to go after this army is very, very simple. First, we're going to cut it off, and then we're going to kill it. We have the power. We have the freedom. We have the intellect. We have the affluence. We can manifest our own destiny. A period of even more intense devastation, which the Allies now plan for. A bird's-eye view of the world's biggest gun. Each shell weighs more than a ton. The Allied bombing of Iraq remains relentless. The United States has accused Iraq of war crimes. We have no reason to disbelieve the Pentagon version. The use of the fuel airport, also NACAR, dropped. 20,000 prisoners have so far been taken. The Allies argue Iraq needs to do more than simply comply with UN resolutions. Even though Saddam Hussein has ordered his troops to withdraw from Kuwait, the president called that an outrage. Saddam is not withdrawing, he was retreating. American airborne divisions and troops cut off the Republican Guard from any possibility. They're not a part of the same human race that the rest of us are. If they do withdraw against Iraq, they won't be attacked. We've made that perfectly clear. Iraq offers to abandon claims on Kuwait. America says that's not the case. The process of the war continues with undiminished intensity. The men in the path of the Allied armor were hopelessly ill-equipped. Soldiers are surrendering not just to Allied forces. Theater cameraman. Their reward now, American chocolate bars. Quite frankly, the United Nations doesn't matter anymore. Somebody said to me a couple of hours ago, perhaps they should sell the building for the time being to the Japanese and they can turn it into a pizza parlor. We know that our cause is moral. We know that our cause is right. Peace can only be established now by getting Saddam Hussein out of Kuwait. They need to put some hate in their heart and go out and stop those son of a bitches from getting out of Kuwait. We're not only willing to shoot and bomb people in the name of justice, but to help them. Iraqi forces are reported to be in full retreat on the main routes being used by Iraqi troops to withdraw. Withdraw, retreat. Let's settle for running away. The bombing Iraqi troops have already suffered is minor compared to what they've got coming. We're going to concentrate on getting it right. Knock, knock. Coming at ya. A ridge to one side, a minefield for the other. Allied armour ahead, and above others trying desperately to hide under the bridges, but even this couldn't save them. The road is now in effect a burial site. No one knows how many died. Without air power, they stood little chance. Many had with them the leaflets dropped by Allied aircraft, calling on them to surrender or face starvation and certain death. Okay, stop the tape, please. It's been a great victory. You needn't be shy about it. And if I've got one message for the people at home today, it's this. Get out there and ring your church bells. Thank you. Nous avons pu entendre le duo allemand Mode Selector avec la chanson Green Light Go sur laquelle chante le groupe australien PVT. Cette chanson se retrouve sur l'album Monkey Town. Et en début de segment, Aphex Twin nous offrait Say Hello to Allah, Come to Daddy, remixed by Black Lung, qui est en fait un extrait du CD The Fire This Time, documentaire audio sur l'Irak de Grant Wakefield et Miriam Ryle. On termine cette transmission sur une note calme avec une pièce ambiante composée par l'artiste suédois Peter Bjargo, intitulée Bitteresque. Bien que Peter Bjargo soit reconnu comme fondateur de la formation Arcana, c'est à titre personnel qu'il nous présente cette composition parue sur son album solo The Architecture of Melancholy. C'est ici qu'habituellement les électronistes vous disent à la semaine prochaine, mais ce soir nous ne pouvons pas le faire, car sachez qu'exceptionnellement la semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvelle émission audiomatique. Vous pourrez quand même écouter les rediffusions les dimanches à 14h et les lundis à 13h. Nous serons de retour le mercredi 17 juin à compter de 17h dans un tout nouveau studio pour vous offrir 60 minutes de musique électronique. Comme à l'habitude, nous vous invitons à visiter notre profil sur Facebook à facebook.com/audiomatique-cfou pour réentendre toutes nos anciennes transmissions. Voici Peter Bjargo et Bitteresque. Bonne semaine!